en train de composter le hardest part à Mudley, dont la Powers va se rappeler. Tout ce qui bouge, pas on le brasse. Vive le roi, est mort. Je peux y aller? Ok. Bambou dans la poche, feuille de banane, y'est rappé. La cote accaparée, la note est what's up, puis dérapé. La coche est cite, prête, là, chez vous dans ton salon. Je sais que ma voix te fait ovuler, bébé, me garde tes pantalons. Parce que t'es pas dans le plan d'action, moi j'suis presque marié. Puis de toute façon, mon nom, c'est pas encore la bonne saison. Ah, tchika tchika, pensez dans mes longs. Est-ce que t'es parti pas trop loin de la maison? Parce que j'voulais peut-être te poser une toute petite question. Quand j'ai tu sais qu'on peignait les murs de la cuisine, un marron. Ah non, t'aimerais pas ça? Ah bon, ben comment ça? Ça veut dire le divorce? Mon avocat pis Manon, j'pensais que toi et puis moi y'en sait. Mais ben malgré que nous nous chicanons, les hommes répondent bouche des femmes par celle de leur petit canon. Les petites filles pis les petits garçons, je vois faire l'adulte à quatre pattes par terre. Le culte à catapulte, man. Ah, catapulté, donc swingait loin. Donc swingait comme la grosse basse dans le fond de la boîte à billes. J'ai laissé croire, grosse basse sociale. Donc c'est ça qu'on fait tourner, comme un calumet. D'ailleurs, il faut faire tourner. Rap the fuck off, deux feuilles de tape, deux grammes de bleu gras. A chaque coup, c'est français qui se pointe. Coup de poing, y'avait jamais vu ça du weed de même. Deux puffs, dégueu la terre, un classique. Et Dieu blanc comme hiver, j'oublie qu'il dégueu la soirée. Pendant ce temps-là, j'écris 45 bars. Premier coup de cymbales, pif paf, un autre blanc qui passe. Deux bières, tape les deux mains, passe le mic. J'ai assez de texte pour rapper jusqu'à demain soir. J'te passe mon tape, tu comprends rien, tu connais rien. Chris, ceci, bon, c'est du rap, c'est pas du simili les ports. Hotel. Fuck avec le monde du boss rigodon. Passe à côté, lâche le citron. Fais demi-ton. T'as pas à penser, penser juste danser, danser. Colle, bouge un peu ton bas, c'est Marte. On n'est pas fait en chocolat. Mène ici Québec, Félix Leclerc, Jean Leloup. Cinq fois, félicite, King Feet, carte loup. Get the fuck out, on est plastifié. Blast, le shit gun en plastique dans guichet des jardins, quoi casser. Dopeness, quasi interdite. Choke sur spliff pendant que t'es de décalisse. Lâche le mimique, 20 secondes, call technique. Puis de barnic, faudrait vraiment qu'on fasse. La way c'est moi, né avec la couronne en dessous du nez. Fuck pas avec ça parce que c'est sérieux jouer. Qu'est-ce que c'est moi, je suis la way. La way c'est moi. Right, darling.